Merci pour votre achat de ce disque de nettoyage pour nettoyer votre tourne-disque compact. Vous pouvez quand même écouter de la musique lors du nettoyage du tourne-disque compact. Quand vous écoutez un long bip, veuillez le disque de nettoyage à la sixième piste.